Dans la République romaine, on gardait près de soi l'image de ses ancêtres. Moulé soigneusement dans la cire sur le visage, blême des gisants pour transmettre aux futures générations le souvenir de ceux qu'ils devaient remercier pour leur patrimoine névrotique autant que génétique, culturel et foncier. Ces images de cirée, c'est à l'occasion d'écrocher et porter par les clients de la famille, affichant son prestige en objet de fierté. Je l'ai donc toujours eu me collant à la peau quand on cherche un chapeau.